Mes amis, quel scandale! Je reviens de Vénitieux, où je tenais à manifester ma solidarité avec Abdelkader Bouziane. Et je suis atterré. Je suis atterré tel que vous me voyez. Pour une fois qu'on est un saint homme qui s'intéresse aux problèmes conjugaux, qu'est-ce qu'on fait? Christophe, qu'est-ce qu'on fait? On l'expulse. On l'expulse comme une roumaine. Bravo. Mais enfin, bordel de Bundestag, un homme qui défend la polygamie. C'est précieux. Bon, je dis pas, pour la lapidation des femmes infidèles, il s'est un peu emballé les mains, hein. C'est à peu près pour tirer la fronde. Mais bon, il y a quand même des choses à dire à ce sujet. Quand une femme trompe son mari, on va quand même pas obliger les cocus à offrir des fleurs aux maîtresses. Alors lapidation, non, mais une bonne fessée, moi j'ai dit why not. Surtout que, comme tu me le disais Christophe, qui dit fessée dit peut-être très bien déraper aussi par là. Oui, hein, tu n'as pas tort. Il est quand même grand temps que la famille retrouve ses lettres de noblesse. Aujourd'hui c'est tromperie, divorce et trou de tralala. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est supposé s'en tenir au régime de la morue unique. La monogamie qui est à l'origine de tous nos maux. Une seule radasse pour la vie. C'est aussi réaliste que de demander à une loutre de chanter du Elvis. Non. Et comme le dit si bien ce fameux proverbe tadjik, plusieurs grognasses au foyer, c'est l'assurance d'échanges diversifiés, donc de qualité. C'est quand même l'évidence. Quand on a plusieurs truffes sous le même toit, ça empêche d'aller voir ailleurs. Ça reste dans la famille. Ah, et qu'on ne me dise pas que pendant ce temps-là, les autres femmes se sentent délaissées. Les activités ne manquent pas, en cuisine, dans les jardins, ou devant la planche à repasser, comme tu me disais, Christophe. Évidemment, il faut être homme de devoir, ne pas rechigner à la tâche copulatoire. Et là, une fois de plus, ce cher Abdelkader nous donne une kleine belle leçon. 52 ans, 16 enfants. C'est du sérieux. C'est pour cette raison que je me suis déplacé en région lyonnaise. Des principes comme ça, croyez-moi, ça ne peut faire que progresser. Et puis, excusez-moi, mais virer un mec qui prône la polygamie près de la capitale des Gaules, c'est du foutage de gueule. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais devoir vous laisser. Je vais voir Jean-Paul II pour lui demander de faire passer le message polygame à l'église. Après ça, hop, direction les États-Unis pour m'occuper du cas de Michael Jackson. Il a encore des problèmes. Mauvais traitement, enfant, paraît-il. Je vais tirer ça au clair, moi. Au revoir.